Chapitre 9. L'oncle Jacob. Nous vivions dans une paix profonde au village d'Anstadt, au milieu des Vosges allemandes. Mon oncle, le docteur Jacob Wagner, sa vieille servante Lisbeth et moi. Depuis la mort de sa sœur Christine, l'oncle Jacob m'avait recueilli chez lui. J'approchais de mes 10 ans. J'étais blond, rose et frais comme un chérubin. J'avais un bonnet de coton, une petite veste de velours brun provenant d'une ancienne culotte de mon oncle, des pantalons de toile grise et des sabots garnis au-dessus d'un flocon de laine. On m'appelait le petit Fritzl au village, et chaque soir, en rentrant de ses courses, l'oncle Jacob me faisait asseoir sur ses genoux pour m'apprendre à lire en français dans l'histoire naturelle de Monsieur de Buffon. Il me semble encore être dans notre chambre basse, le plafond rayé de poutres enfumées. Je vois, à gauche, la petite porte de l'allée et l'armoire de chêne. À droite, l'alcôve fermée d'un rideau de serge verte. Au fond, l'entrée de la cuisine. Près du poêle de fonte aux grosses moulures représentant les 12 mois de l'année, le cerf, les poissons, le capricorne, le verseau, la gerbe, etc. Et du côté de la rue, les 2 petites fenêtres qui regardent à travers les feuilles de vigne sur la place de la fontaine. Je vois aussi l'oncle Jacob, élancé, le front haut, surmonté de sa belle chevelure blonde, dessinant ses larges tempes avec grâce, le nez légèrement aquilin, les yeux bleus, le menton arrondi, les lèvres tendres et bonnes. Il est en culotte de ratine noire, habit bleu de ciel à boutons de cuivre et bottes molles à retroussis jaune clair, devant lesquelles pend un gland de soie. Assis dans son fauteuil de cuir, les bras sur la table, il lit, et le soleil fait trembloter l'ombre des feuilles de vigne sur sa figure un peu longue et hâlée par le grand air. C'était un homme sentimental, amateur de la paix. Il approchait de la quarantaine et passait pour être le meilleur médecin du pays. Tout cela, je le vois, sans oublier notre Lisbeth, une bonne vieille, souriante et ridée, en casaquin et jupe de toile bleue, qui file dans un coin, ni le chat Roller, qui rêve, assis sur sa queue, derrière le fourneau, ses gros yeux dorés ouverts dans l'ombre comme un hibou. Il me semble que je n'ai qu'à traverser l'allée pour me glisser dans le fruitier aux bonnes odeurs, que je n'ai qu'à grimper l'escalier de bois de la cuisine pour monter dans ma chambre où je lâchais les mésanges que le petit Hans Aden, le fils du sabotier, et moi, nous allions prendre à la pipée. Il y en avait de bleues et de vertes. La petite Elisa Meyer, la fille du bourgmestre, venait souvent les voir et m'en demander. Et quand Hans Aden, Ludwig, Franz Seppel, Karl Stenger et moi, nous conduisions ensemble les vaches et les chèvres à la pâture, sur la côte de Birkenwald, elle s'accrochait toujours à ma veste en me disant « Fritzl, laisse-moi conduire votre vache, ne me chasse pas !» Et je lui donnais mon fouet. Nous allions faire du feu dans le gazon et cuire des pommes de terre sous la cendre. Oh, le bon temps, comme tout était calme, paisible autour de nous, comme tout se faisait régulièrement, jamais le moindre trouble. Le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine se suivaient exactement pareil. Chaque jour, on se levait à la même heure. On s'habillait, on s'asseyait devant la bonne soupe à la farine apprêtée par Lisbeth. L'oncle partait à cheval. Moi, j'allais faire des trébuchets et des lacets pour les grives, les moineaux ou les verdiers, selon la saison. À midi, nous étions de retour. On mangeait du lard aux choux, des noodles ou des knopfels. Puis j'allais pâturer ou visiter mes lacets, ou bien me baigner dans la couèche quand il faisait chaud. Le soir, j'avais bon appétit, l'oncle Elisabeth aussi, et nous louions à table le Seigneur de ses grâces. Tous les jours, vers la fin du souper, au moment où la nuit grisâtre commençait à s'étendre dans la salle, un pas lourd traversait l'allée. La porte s'ouvrait, et sur le seuil apparaissait un homme trapu, carré, large des épaules, coiffé d'un grand feutre et qui disait « « Bonsoir, monsieur le docteur. Asseyez-vous, Mauser, » répondit l'oncle. Mauser signifie « taupier ». Lisbeth, ouvre la cuisine. Lisbeth poussait la porte. et la flamme rouge, dansant sur l'âtre, nous montrait le taupier en face de notre table, regardant de ses petits yeux gris ce que nous mangions. C'était une véritable mine de rat des champs, le nez long, la bouche petite, le menton rentrant, les oreilles droites, quatre poils de moustaches jaunes ébouriffées. Sa souquenille de toile grise lui descendait à peine au bas de l'échine. Son grand gilet rouge aux poches profondes ballottait sur ses cuisses, et ses énormes souliers, tout jaunes de glaibe, avaient de gros clous qui luisaient sur le devant en forme de griffes jusqu'au haut des épaisses semelles. Le Mauser pouvait avoir 50 ans. Ses cheveux grisonnaient, de grosses rides sillonnaient son front rougeâtre, et des sourcils blancs à reflets d'or lui tombaient jusque sur le globe de l'œil. On le voyait toujours au champ en train de poser ses attrapes, ou bien à la porte de son rucher à mi-côte dans les bruyères du Birkenwald, avec son masque de fil de fer, ses grosses moufles de toile et sa grande cuillère tranchante pour dénicher le miel des ruches. À la fin de l'automne, durant un mois, il quittait le village, son bissac en travers du dos, d'un côté le grand pot à miel, de l'autre la cire jaune en briques, qu'il allait vendre au curé des environs pour faire des cierges. Tel était le Mauser. Après avoir bien regardé sur la table, il disait « Ça, c'est du fromage. Ça, ce sont des noisettes. » « Oui, » répondait l'oncle, « à votre service. » « Merci, j'aime mieux fumer une pipe maintenant. » Alors il tirait de sa poche une pipe noire, garnie d'un couvercle de cuivre à petites chaînettes. Il la bourrait avec soin, continuant de regarder, puis il entrait dans la cuisine, prenait une braise dans le creux de sa main calleuse et la plaçait sur le tabac. Je crois encore le voir, avec sa mine de rat, le nez en l'air, tirer de grosses bouffées en face de l'âtre pourpre, puis rentrer et s'asseoir dans l'ombre, au coin du fourneau, les jambes repliées. En dehors des taupes et des abeilles, du miel et de la cire, le Mauser avait encore une autre occupation grave. Il prédisait l'avenir, moyennant le passage des oiseaux, l'abondance des sauterelles et des chenilles, et certaines traditions inscrites dans un gros livre à couvercle de bois qu'il avait hérité d'une vieille tante de Heming et qui l'éclairait sur les choses futures. Mais pour entamer le chapitre de ses prédictions, il lui fallait la présence de son ami Koffel, le menuisier, le tourneur, l'horloger, le tondeur de chiens, le guérisseur de bêtes, bref, le plus beau génie d'Anstadt et des environs. Koffel faisait de tout. Il rafistolait la vaisselle fêlée avec du fil de fer, il étamait les casseroles, il réparait les vieux meubles détraqués, il remettait l'orgue en bon état quand les flûtes ou les soufflets étaient dérangés. L'oncle Jacob avait même dû lui défendre de redresser les jambes et les bras cassés, car il se sentait aussi du talent pour la médecine. Le Mauser l'admirait beaucoup et disait quelquefois « Quel dommage que Koffel n'ait pas étudié, quel dommage !» Et toutes les commères du pays le regardaient comme un être universel. Mais tout cela ne faisait pas bouillir sa marmite, et le plus clair de ses ressources était encore d'aller couper de la choucroute en automne, son tiroir à rabot sur le dos, en forme de hotte, criant de porte en porte « Pas de chou, pas de chou !» Voilà pourtant comment les grands esprits sont récompensés. Koffel, petit, maigre, noir de barbe et de cheveux, le nez effilé, descendant tout droit en pointe comme le bec d'une sarcelle, ne tardait pas à paraître, les poings dans les poches de sa petite veste ronde, le bonnet de coton sur la nuque, la pointe entre les épaules, sa culotte et ses gros bas bleus tachés de colle forte, flottant sur ses jambes minces comme des fils d'archal, et ses savates découpées en plusieurs endroits pour faire place à ses oignons. Il entrait quelques instants après le Mauser et, s'avançant à petits pas, il disait d'un air grave « Bon appétit, monsieur le docteur. Si le cœur vous en dit, » répondait l'oncle. « Bien des remerciements. Nous avons mangé ce soir de la salade. C'est ce que j'aime le mieux. » Après ces paroles, Koffel allait s'asseoir derrière le fourneau et ne bougeait pas jusqu'au moment où l'oncle disait « Allons, Lisbeth, allume la chandelle et lève la nappe. » Alors, à son tour, l'oncle bourrait sa pipe et se rapprochait du fourneau. On se mettait à causer de la pluie et du beau temps, des récoltes, etc. Le taupier avait posé tant d'attrapes pendant la journée, il avait détourné l'eau de tel pré durant l'orage, ou bien il venait de retirer tant de miel de ses ruches. Ses abeilles devaient bientôt essaimer, elles formaient barbe, et d'avance le Mauser préparait des paniers pour recevoir les jeunes. Koffel, lui, ruminait toujours quelque invention. Il parlait de son horloge sans poids, où les 12 apôtres devaient paraître au coup de midi, pendant que le coq chanterait et que la mort faucherait. Ou bien de sa charrue, qui devait marcher toute seule en la remontant comme une pendule, ou de telle autre découverte merveilleuse. L'oncle écoutait gravement. Il approuvait d'un signe de tête en rêvant à ses malades. En été, les voisines, assises sur le banc de pierre devant nos fenêtres ouvertes, s'entretenaient avec Lisbeth des choses de leur ménage. L'une avait filé tant d'aunes de toile l'hiver, les poules d'une autre avaient pondu tant d'œufs dans la journée. Moi, je profitais d'un bon moment pour courir à la forge de Klipfel, dont la flamme brillait de loin dans la nuit au bout du village. Hans Aden, Franz Zeppel et plusieurs autres s'y trouvaient déjà réunis. Nous regardions les étincelles partir comme des éclairs sous les coups de marteau. Nous sifflions au bruit de l'enclume. Se présentait-il une vieille rosse affairée ? Nous aidions à lui lever la jambe. Les plus vieux d'entre nous essayaient de fumer des feuilles de noyer, ce qui leur retournait l'estomac. Quelques autres se glorifiaient d'aller déjà tous les dimanches à la danse. C'étaient ceux de 15 à 16 ans. Ils se plantaient le chapeau sur l'oreille et fumaient d'un air d'importance, les mains dans les poches. Enfin, à 10 heures, toute la bande se dispersait. Chacun rentrait chez soi. Ainsi se passaient les jours dans ce bon petit village d'Arnstadt.